inéluctable rêve d'un être pétrifié. Solitude d'un soir repeint l'éternité dans l'espoir de le lire. Sa voix semble tracer le poids de la douleur, des sentiments figés et toujours la souffrance, le crime, l'erreur, le malheur, les devenir un enfant sans mes cahiers blancs innocents.